Serait-il possible que tu nous parles de la fusion? Comment ça se ressent? Comment ça se vit? Ben, la fusion. Vous avez des fois de fortes intuitions ou un instinct très affûté que vous vous rendez compte que vous aviez des pressentiments et une fois quand vous vérifiez, ça se confirme. Ces mécaniques-là, vous voyez comment que c'est pas conscient au fond. C'est comme la conscience est obligée, si on peut dire, de dealer avec des parties d'elle-même qui sont pas totalement conscient, ben, la fusion, vous avez de moins en moins besoin d'intuition et d'instinct, c'est-à-dire que votre intelligence éveillée, habituelle, va devenir de plus en plus capable d'intégrer ces forces-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fort pressentiment, vous allez savoir d'avance. Au lieu d'avoir une forte intuition, vous allez sentir d'avance. Puis de plus en plus, il va y avoir une intégration par la conscience de ce qu'on pourrait appeler des structures prépersonnelles de l'intelligence. Donc, l'ego se dépollue puis est en expansion en tant que lentille. Puis certaines choses qui étaient mécaniques vont être intégrées. On s'en va vers une conscience intégrale, c'est ça, la fusion. Dans le sens que ça donne quoi d'avoir de forts pressentiments si on n'est pas sûr. Ça donne quoi d'avoir de fortes intuitions si on n'est pas sûr? Et à un moment donné, il faut qu'elle ait les standards de la certitude de sa conscience. L'ego pourrait être centré puis être autre chose que une mémoire expérimentale. Donc, on peut être fusionné sans en avoir conscience intellectuellement. Oui, parce que c'est pas intellectuel, la fusion. C'est quoi avoir conscience intellectuellement? Voyez-vous là le côté, il y a un paradoxe là. De la conscience, est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que vous avez besoin de réfléchir pour savoir ce que vous savez? Est-ce que vous avez besoin de le raisonner, de le rationaliser? De l'intelligence, c'est pas intellectuel à la base. C'est là qu'ils rentrent la subjectivité de l'intellect, le réflectif. Puis là, les gens se coupent de leurs intuitions, ils se coupent de leurs instincts les plus rapides, les plus brillants, les plus clairs. On se coupe d'une partie de notre intelligence parce qu'on pense que c'est l'ego conscient intellectué qui est l'intelligence. C'est ça, c'en est de la subjectivité.